الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه على نعمه وإحسانه عليكم serviteurs d'Allah craignez Allah et remerciez-le pour ses grâces et pour ses bienfaits sur vous serviteurs d'Allah sachez que l'extrémisme dont on a parlé dans les khutab précédents et dans les discours précédents qui avaient rapport avec l'exagération au sujet des hommes pieux et au sujet de l'adoration des morts et des choses de ce genre, on a mentionné cette catégorie d'extrémisme et d'exagération. Et sachez qu'il existe beaucoup de différentes formes d'exagération et d'extrémisme. Et la forme d'extrémisme et d'exagération dont on va parler aujourd'hui, c'est l'exagération et l'extrémisme qui se manifestent chez les groupes comme ceux qu'on appelle les Khawarij. Et l'extrémisme et l'exagération qui apparaît chez ce genre de groupe qu'on appelle les Khawarij, eh bien c'est quelque chose que tout musulman salafi dans le monde entier condamne. Que ce soit les salafis de Montréal ou les salafis du Canada au complet, ou bien des États-Unis, de l'Europe, des pays arabes et des pays non arabes parmi les pays musulmans, tous les salafis dans le monde, commençant par les savants de l'islam, se désavouent et rejettent et condamnent les actes qui sont perpétrés par ces groupes extrémistes. Que ce soit les groupes de tendance djihadi, comme ceux qu'on appelle Al-Qaïda ou Ansar al-Sharia, ou Jama'atul Jihad, ou les différents groupes djihadi qui existent dans les différents pays arabes, ou que ce soit les groupes comme Boko Haram, des groupes de cette tendance-là, ou bien que ce soit le groupe des frères musulmans, qu'on appelle en arabe Al-Ikhwan al-Muslimoun, ou bien Hizb al-Tahrir, et puis différents autres groupes également, comme le GIA et le FIS, ou d'autres groupes qui sont apparus à travers l'histoire moderne et récente, ou dans le passé, sachez que tous ces groupes-là découlent d'un même groupe qu'on appelle les Khawarij. Et bien entendu, ils ne se disent pas Khawarij, ou ils ne vont pas dire nous sommes des Khawarij, parce que bien entendu, s'ils disaient ça, eh bien on pourrait les reconnaître très facilement. Sauf qu'ils ont des caractéristiques, et ils ont des points en commun, Et ces points en commun, une fois qu'on les a compris, une fois qu'on les connaît, eh bien, on est capable de les reconnaître facilement. Et de les reconnaître, peu importe leur apparence et peu importe le nom qu'ils se donnent. Et parmi ces points communs qu'ils ont, il y a le fait de faire le takfir des musulmans, c'est-à-dire de déclarer les musulmans comme étant des kuffars, comme étant des non-musulmans, ou comme ayant quitté l'islam. Et ils les déclarent kuffars, non pas parce qu'ils ont commis des actes de kuf majeur ou de shirk majeur, ou des choses qui font réellement sortir de l'islam, comme le fait de nier ce qui est dans la religion, mais plutôt ils déclarent des musulmans kuffars, en commençant par les dirigeants et les savants de l'islam, parce qu'ils commettent des péchés ou bien parce qu'eux considèrent qu'ils ont commis des péchés. Et donc, par la suite, ils se permettent et ils rendent licite le meurtre et le fait de faire couler le sang des musulmans et ils se permettent par la suite d'appeler à la rébellion et à la révolte et à faire des coups d'État contre les dirigeants dans les pays musulmans. Et ils se permettent aussi par la suite de faire des attentats terroristes pour faire du tort aux kuffars qui sont parmi ceux qui ont une entente de paix avec les musulmans, puisque leurs états, c'est-à-dire les pays, ces pays qui sont les pays de kuff, qui sont les pays non musulmans, ont signé des traités et des ententes de paix avec les différents états musulmans et par conséquent ils sont sous la protection et l'entente de paix des musulmans, et donc il est interdit de leur porter atteinte physiquement ou autre, étant donné qu'ils sont sous cette protection et cette entente qu'ils ont avec les musulmans. Et donc, pour commencer à clarifier et à faire comprendre les caractéristiques de ce groupe qu'on appelle les Khawarij, on va commencer par clarifier le premier point qui est en fait la réalité de l'exagération qu'ils font dans le takfir. Et la réalité du takfir, comme on l'a dit, c'est de juger que le musulman qui témoigne de « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, celui qui fait la salat 5 fois par jour, qui donne la zakat et qui pratique le reste et qui reconnaît le reste des piliers de l'islam, il considère que celui-là est un kafir et il considère que son sang est licite. Et bien entendu, ce genre de takfir ne peut pas se produire de la part de quelqu'un qui est musulman et qui a une croyance qui est propre et une pensée qui est correcte. Car toutes les preuves du Coran et de la Sunna sont dressées sur le fait que celui qui témoigne de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah, et qui prie 5 fois par jour, et qui donne la zakat, et qui fait le jeûne du Ramadan et le Hajj, eh bien, on doit croire que son sang est sacré. Et que son sang est sacré de la même manière que la Kaaba est sacrée. Et donc le sang et les biens et l'honneur du musulman, c'est quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui est sacré pour le musulman. Et nous sommes obligés de croire en le lien de fraternité qui existe entre les musulmans et qui nous oblige à nous entraider et qui nous oblige à nous défendre les uns les autres et à nous aimer sans tenir compte de la nationalité, de la couleur ou du fait qu'on soit de la même origine ou d'une origine différente. Et parmi les preuves qui sont très nombreuses à ce sujet-là, il y a des versets comme les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif, et d'accomplir la salat et de donner la zakat, et voilà la religion de la droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les croyants ne sont que des frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis de répandre le sang du musulman qui témoigne de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah que dans un des 3 cas suivants. La personne mariée qui commet l'adultère. On sait que dans la charia il y a une peine pour ça et que c'est la peine de mort par lapidation. Le deuxième point, une vie pour une vie. C'est-à-dire que dans l'islam, celui qui commet un meurtre et qu'on a prouvé que il a réellement commis ce meurtre, eh bien, dans la charia, la punition pour le meurtre, c'est la peine de mort. Et donc, c'est une vie pour une vie. Et celui qui quitte sa religion, c'est-à-dire la peine de l'apostasie, et ça, c'est une peine qui existe également dans la charia pour protéger la croyance islamique et pour protéger la croyance des musulmans. Et celui qui se sépare de la jama'a, donc qui quitte sa religion et qui se sépare de la jama'a. En dehors de ça, tu ne peux pas faire couler le sang d'un musulman. Tandis que les khawarij, eux, se permettent de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-muslimu akhul muslim, la yazlimu, wa la yahqiru, wa la yahzuru, wa la yusallimu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice, il ne le livre pas, il ne le méprise pas. » Et donc, quiconque déclare son frère musulman, mécréant ou kafir, que ce soit pour une chose qui implique le kufr, selon la charia, parmi les différentes formes de shirk majeur ou explicite, qui ne laisse aucune place à l'interprétation, comme par exemple si quelqu'un nie quelque chose des obligations de l'islam sur laquelle il n'y a aucun doute, et sur lequel il y a un accord et une unanimité entre les savants, comme si quelqu'un, par exemple, parmi les musulmans, rend halal ce qui est haram, ou rend haram ce qui est halal, alors qu'il a la connaissance, ou bien qu'il nie un des piliers de la foi, ou un des piliers de l'islam, donc, ça, les savants de l'islam peuvent déclarer quelqu'un qui fait ça comme étant mécréant. Par contre, si quelqu'un, il n'a rien commis de ces choses-là, hein, mais il a commis quelque chose d'entre les péchés, eh bien, il n'est pas permis, dans ce cas-là, de dire de lui qu'il est kafir ou qu'il est sorti de l'islam. L'imam al-Shawkani, il dit, « Sache qu'il n'est pas permis pour un musulman qui croit en Allah et au jour dernier de s'avancer dans le jugement qu'un musulman est sorti de la religion de l'islam et qu'il est entré dans le kufr, excepté avec une preuve plus claire que le soleil du jour. » Car il a été confirmé dans les hadiths authentiques rapportés par de nombreux sahaba que celui qui dit à son frère « Ô kafir », alors cela retourne sur lui, ou cela retourne sur un des deux, comme c'est mentionné dans certaines des versions. Et dans d'autres versions, nul n'appelle un homme par le kufr ou lui dit « ennemi d'Allah hein, » et que ce n'est pas le cas sans que cela revienne sur lui. Et dans une autre version, alors, un des deux est entré dans le kufr. Et donc ça montre le danger d'accuser quelqu'un parmi les musulmans d'être un kafir ou d'être un mécréant. Donc quiconque déclare kafir un musulman sans qu'il n'ait commis l'une d'entre les choses qu'on a mentionnées qui rendent une personne réellement kafir, c'est donc un takfiri khariji, terroriste. Et il est une chose connue que cela se produit de la part de celui qui a été affligé hein, et affecté dans sa aqida et dans sa pensée par les égarements de ceux qu'on appelle les khawarij. Et voilà donc la situation des khawarij à toute époque. Donc celui qui adopte cette voie, qui est le fait de faire le takfir des musulmans, de déclarer les musulmans mécréants, ou le takfir des dirigeants des musulmans, ou le takfir des savants musulmans, alors il fait partie de ce groupe égaré qu'il est obligatoire de combattre, mais uniquement après qu'ils soient invités à revenir à la vérité. Et s'ils insistent à rester sur leur voie d'égarement, ils doivent être combattus de la même manière que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et ceux parmi les dirigeants musulmans qui l'ont suivi, les ont combattus. Et le mot khawarij vient du pluriel du mot kharija, et on les a appelés ainsi parce qu'ils sortent, hein, kharija. C'est-à-dire ils sortent de la religion à cause de leur rébellion contre les meilleurs musulmans. Et parmi les premières rébellions qu'ils ont faites, c'est la rébellion qu'ils ont faite contre Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et lorsque Ali, radiallahu anhu, a demandé de prendre des juges hein, pour régler les problèmes entre les musulmans, les Khawarij se sont réunis dans la ville de Haroura, dans la région de Koufa, près de l'Irak ou en Irak, et c'est alors que Ali radiallahu anhu les a combattus dans une bataille féroce, dans un lieu qu'on appelle Al-Nahrawan. Et après avoir débattu avec eux, et après avoir établi la preuve contre eux, eh bien, il les a combattus. Et en conclusion de cette bataille, eh bien, moins de dix d'entre les musulmans ont été tués et moins d'entre dix d'entre les Khawarij ont réussi à s'enfuir. Quand est-ce que sont apparus les Khawarij? La première apparition du takfir et des Khawarij, c'était à l'époque, c'est apparu lorsque, comme c'est mentionné dans différents hadiths, les Sahaba avaient ramené du butin des différentes régions de la Ummah. Du butin, c'est-à-dire des butins de guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de ces butins de guerre à certains d'entre les mushrikines et même parfois à certains d'entre les nouveaux musulmans pour les inciter et les encourager dans leur islam. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai fait cela que pour les rapprocher. Mais il y a un homme qui est venu, il avait, on le décrit comme étant un homme avec une grande barbe, avec des joues hautes, des yeux creux, un front proéminent et un crâne rasé. Il est venu au prophète et il a dit, « Oh Mohammed, crains Allah !» Il dit, c'est-à-dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, « Qui va obéir Allah si moi je lui désobéis ?» Il me fait confiance avec les gens de la terre, alors comment toi, tu ne me ferais pas confiance? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cet homme, qui faisait partie des Khawarij, c'était le premier d'entre eux, et certains ulama ont dit qu'il faisait partie des munafiqin. Il dit, puis l'homme est parti. Et parmi les gens qui étaient présents, certains ont même demandé la permission au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de le frapper. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de cet homme sortiront des gens qui liront le Coran, mais sans qu'ils ne dépassent leur gorge. Ils tuent les musulmans et laissent les idolâtres. Ils sortent de la religion comme une flèche quitte la proie après être passée au travers. Si je les rencontrais, je les exterminerais comme le peuple de Ad a été exterminé. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'imam Al-Bukhari a rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des gens vont sortir de l'Orient. Ils liront le Coran sans que cela ne dépasse leur gorge. Ils quittent la religion comme une flèche quitte la proie après être passée au travers. Puis ils n'y reviennent pas tant que la flèche revienne à son arc. Et cela s'est réalisé à l'époque de Uthman, lorsqu'un groupe parmi les Khawarij s'est réuni contre lui et ont encerclé sa maison, puis l'ont tué. Parce qu'ils l'avaient accusé de toutes sortes de mensonges. Et donc ils ont tué Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Le groupe qui l'ont tué, c'était des Khawarij. Et à l'époque de Ali radiallahu anhu, lorsqu'il y a eu le combat entre lui et Muawiyah, les compagnons de Muawiyah ont soulevé des copies du Coran et ont dit, le livre d'Allah est entre nous. Ali radiallahu anhu ordonna à ses compagnons de continuer le combat et ils ont refusé. Lorsque le combat s'est arrêté, des gens se sont empressés de faire la réconciliation entre Ali et Muawiyah. Et ils se mirent d'accord pour choisir deux personnes comme juges pour trancher et pour cesser le combat et les problèmes. Les Khawarij faisaient partie de ceux qui étaient avec des compagnons de Ali. Et ils lui dirent, tu es certes devenu kafir. Donc ils ont dit à Ali radiallahu anhu, tu es devenu mécréant en prenant des hommes pour juges. Alors que Allah a dit, certes, le jugement n'appartient qu'à Allah. Et ça, c'était leur shubha à l'époque, c'est-à-dire leur faux argument, de dire qu'on ne peut pas prendre de juge, sauf Allah. Ils disaient ça à l'époque, et ils utilisent encore cet argument aujourd'hui, en prétendant vouloir faire le takfir de tous les dirigeants musulmans, en prétendant que, parce qu'ils ne jugent pas selon la loi islamique ou selon la charia, qu'ils sont tous sortis de l'islam. Alors que les ulama de l'islam ont distingué entre le fait de juger par la loi autre que la loi d'Allah, ils ont distingué entre ce qui est kufr majeur et ce qui est kufr mineur, ce qui fait sortir de l'islam et ce qui ne fait pas sortir de l'islam. Et ils ont dit que tant qu'une personne ne déclare pas le fait de juger par une loi autre que la charia, ils ne disent pas que c'est halal, ou ils ne disent pas que c'est meilleur que la charia, ou ils ne disent pas que c'est égal à la charia, eh bien, les savants ont dit qu'on ne peut pas faire sortir cette personne de l'islam, puisqu'ils reconnaissent que la charia, ça vient d'Allah et que c'est la vérité et qu'eux-mêmes ont commis un péché en ne jugeant pas selon la charia. Et donc on distingue entre le fait de juger par autre que la loi d'Allah en le rendant halal ou en disant que c'est meilleur ou en disant que c'est équivalent et le fait de le faire mais en disant que c'est un péché et en suivant nos passions. Dans ce cas-là, c'est un simple péché et les savants disent que c'est une forme de mécréance qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam, comme les savants ont dit, comme Abdullah ibn Abbas a dit, que c'est kufrun duna kufr, c'est-à-dire un kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc ça c'est un exemple de leur shubuhat pour faire le takfir des musulmans. Et ils ont fait ça à l'époque, et Ali radiallahu anhu a envoyé Abdullah ibn Abbas pour débattre avec les khawarij à cette époque-là, et 2000 d'entre eux sont revenus. Tandis que les autres ont continué et ont décidé de combattre les musulmans, et Ali radiallahu anhu et tous les sahaba les ont combattus jusqu'au dernier. Et les khawarij continueront de sortir de temps à autre dans l'histoire de l'islam, et ils sont combattus par tous les dirigeants de la umma à travers l'histoire également. On voit que tantôt dans l'histoire ils ont été forts et d'autres fois ils sont faibles. Mais ils n'ont jamais pu établir un État islamique à travers leur histoire. Et c'est depuis l'époque de Othman, radiallahu anhu, que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça à leur sujet. Il a dit, il viendra un groupe de jeunes qui réciteront le Coran sans qu'ils ne descendent plus bas que leur gorge. C'est-à-dire, ils récitent le Coran, mais ils ne comprennent rien. Et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et ce sont des jeunes... Et ce sont des jeunes qui sont excités, ils sont motivés, hein, ils veulent faire du bien, mais ils sont juhal, ils sont ignorants, ils ne connaissent pas la signification du Coran. Et donc c'est ce qui était arrivé à l'époque des sahaba. Ils ne faisaient pas partie des sahaba, ils ne faisaient pas partie des ulama. Ils lisaient le Coran, ils pensaient qu'ils comprenaient mieux le Coran que les sahaba. Et à cause de ça, ils ont même déclaré le djihad contre les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils pensaient qu'en combattant les sahaba, il se rapprochait du paradis. Imaginez l'égarement de ces gens-là. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils réciteront le Coran sans qu'ils ne dépassent leur gorge ou ne descendent plus bas que leur gorge. Et chaque fois que sortira une de leurs cornes, elle sera coupée. Et Ibn Omar a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, chaque fois que sort une de leurs cornes, elle est coupée. Plus de 20 fois, jusqu'à ce qu'il soit séduit à la fin des temps par le Dajjal. Jusqu'à ce qu'il soit séduit à la fin des temps par le Dajjal. C'est-à-dire que les derniers d'entre ces Khawarij, le dernier groupe d'entre eux va sortir à la fin des temps, ils vont être avec le Dajjal, combattre contre les musulmans. Une autre de leurs caractéristiques, parce qu'on a vu qu'ils sortent avec différents noms et avec différentes appellations. Parmi les groupes de takfir qui sont apparus à notre époque, qui ont fait revivre la voix des Khawarij, il y a le groupe qu'on appelle le groupe des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun, fondé par Hassan al-Banna, qui est né en 1324 en Égypte et il est mort en 1368, selon le calendrier islamique. Il a grandi dans la secte soufi ou la tariqa qu'on appelle Al-Husafiyya. Et il a donné son allégeance à cette secte par la main de Bisyoun al-Abd, puis par la suite par la main de Abdul Wahhab al-Husafi, le chef de cette tariqa. Puis il était assidu à assister aux cérémonies de danse et de chant soufi dans lesquelles il pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présente. Puis il avait comme intention et comme but d'établir ce groupe pour réunir tous les musulmans de toutes les différentes tendances. Et bien entendu, yani, c'est quelque chose de contradictoire et d'impossible. Mais voici quelques éléments qui confirment que ces gens-là font vraiment partie des Khawarij. Et pourquoi on doit être averti au sujet de ce groupe. Une de leurs têtes, c'est Qutb, a déclaré que toute la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont des kuffar. Et il a dit dans son livre, Fidilal al-Qur'an, qu'il n'existe aucun état musulman sur la surface de la terre aujourd'hui, ni une société musulmane dans laquelle le principe d'interaction serait la sharia d'Allah et le fiqh islamique. Et il a dit quelque chose qui se rapproche dans ce sens dans son tafsir de sourate Yunus. Il a même prétendu dans cette sourate que les mosquées des musulmans sont des temples d'idolâtrie. Et il a encouragé les coups d'État dans les pays musulmans dans son tafsir de sourate Al-Anfal. Et il a prétendu que l'islam ordonne de faire ce genre de choses. Il a dit dans le tafsir de sourate Al-An'am, le cycle du temps nous a ramené à une situation comme celle du jour dans laquelle cette religion est venue à l'humanité avec la ilaha illallah. L'humanité est retournée à l'adoration des hommes et à l'injustice des religions et elle a abandonné la ilaha illallah. Même si une partie d'entre elles continue à répéter la ilaha illallah du haut des minarets sans comprendre ce que cette parole signifie. Et il a dit également dans son tafsir, les musulmans aujourd'hui ne font pas le djihad et la raison de cela est qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui. La question à résoudre est donc celle de la présence de l'islam et de la présence des musulmans. Et le cheikh Abdullah Al-Najmi, il dit dans son livre qui s'intitule « La source du terrorisme contemporain », les grands parmi les ikhwan ont témoigné du takfir des sociétés islamiques fait par Sayyid Qutb. Même une de leurs têtes, comme c'est Youssef Al-Qardawi, qui est lui-même un des membres de ce groupe, il a dit dans un de ses livres les priorités du mouvement islamique, que c'est durant cette étape qui représente la dernière période du takfir qu'il a fait que dans les livres de Sayyid Qutb, qui souhaitent le takfir de la société et la déclaration du djihad contre tous les hommes sont parus. Donc lui-même, il témoigne que dans les livres de Sayyid Qutb, il y avait le takfir et que c'est de ces livres-là que c'est apparu. Un des leaders également des Ikhwan, Farid Abdul Khaliq, il dit dans son livre Al-Ikhwan al-Muslimoun fi Mizan al-Haq, il dit les frères musulmans dans la balance de la, dans son livre dans la balance de la vérité, les frères musulmans dans la balance de la vérité, il dit à la page 115, la naissance de l'idéologie du takfir a débuté avec des jeunes du groupe des Ikhwan dans la prison. Vers la fin des années 50 et au début des années 60, ils ont été influencés par les idées de Sayyid Qutb et par ses livres. Ils en ont tiré que la société était une jahiliya, c'est-à-dire un état d'ignorance comme à l'époque pré-islamique, ainsi que les dirigeants. Donc ils considèrent les dirigeants kuffars. Et ils disent qu'ils ne jugent pas selon la révélation d'Allah. Et le peuple, s'ils approuvaient cela, ils avaient renié la souveraineté d'Allah et son jugement, et donc eux aussi devenaient mécréants aussi à partir de ce moment-là, eux aussi. Et Al-Ashmawi dit dans son livre, l'histoire secrète des frères musulmans, à la page 80, un des Ikhwan est venu me voir et m'a dit, je vais refuser de manger la viande qui est égorgée par les musulmans. Alors je suis allé voir Sayyid Qutb pour lui demander à ce sujet. Il dit, laissez-les manger cette viande et qu'ils la considèrent comme étant la viande des gens du livre. Car le moindre qu'on puisse dire maintenant, c'est que les musulmans sont les gens du livre. A'udhu billah. Et il a dit également, le temps de la salat al-Jumu'ah était présente. Alors je dis à Sayyid Qutb, lèvons-nous, allons prier. Et que ne fut pas ma surprise d'entendre, pour la première fois, qu'il ne faisait pas la salat al-Jumu'ah. Et il a dit qu'il considérait que l'obligation de la prière al-Jumu'ah était tombée lorsque le khilafa est tombé et qu'il n'y a plus de Jumu'ah excepté avec le khilafa. Donc vous voyez à quel point ces gens-là étaient tombés dans l'égarement et l'ignorance. En ce qui concerne le takfir du musulman qui n'a rien fait de ce qui implique pour qu'on le déclare kafir, c'est une chose qui est interdite de manière catégorique à cause des preuves qui sont mentionnées à ce sujet-là. Et il y a plusieurs hadiths à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a donné, il rapporte parce que Thabit ibn Dahhak a rapporté ce hadith, et il fait partie de ceux qui ont donné la bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure sur une religion autre que l'islam de manière mensongère, alors il est tel qu'il le dit. Et le fils d'Adam n'a pas de vœu à respecter dans ce qui ne lui appartient pas, et quiconque se tue lui-même avec quelque chose, il sera châtié par cette chose au jour de la résurrection, et quiconque maudit un croyant, c'est comme s'il l'avait tué. Et quiconque maudit un musulman, c'est comme s'il l'avait tué. Et quiconque accuse un croyant de kufr, c'est comme s'il l'avait tué. Donc si tu accuses un musulman de kufr, c'est comme si tu l'avais tué. Et parmi les exemples de hadith à ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme n'accuse pas un autre homme de perversité, de fousouk, et il ne l'accuse pas de kufr sans que cela ne se retourne contre lui si son compagnon n'est pas tel qu'il le dit. Et il a été également expliqué, excepté que cela revient sur lui, et dans d'autres, que cela retourne sur lui. Et cela implique que celui qui le dit à l'autre, tu es fasir, ou qui dit à l'autre, tu es kafir, qu'il n'est pas tel qu'il le dit, alors il est celui qui mérite la description mentionnée. Et donc, il y a différentes variantes, bien entendu, de ce hadith. L'imam al-Nawawi a expliqué ces hadiths-là en détail, et il a dit que certains ont dit le kufr revient sur lui, c'est-à-dire s'il le rend licite. Et cela, très loin du contexte de ce qui est dit dans le hadith. Donc, d'autres ont dit que cela s'applique aux khawarij, car ils rendent les croyants kuffar. Donc, il y a des différentes explications par les ulama à ce sujet-là. Et cela est certes une chose apparente chez les khawarij, c'est une chose qui est confirmée à leur sujet, et rapportée par un grand nombre de personnes qui ont été témoins, et personne ne peut nier, que ce soit dans le passé ou à nos jours, que ça c'est une des caractéristiques des Khawarij. Et qu'est-ce qui les a amenés à tuer les meilleurs d'entre les croyants? Ce sont eux qui ont tué Uthman ibn Affan, Zunnurayn. Ce sont eux qui ont tué de sang-froid Ali ibn Abi Talib, le quatrième d'entre les Khulafa Rashidin, et le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont fait cela qu'après avoir jugé qu'ils considéraient qu'ils étaient dans le coffre. Parce que leur principe de base est de déclarer kafir quiconque commet un grand péché. Et à notre époque, ils n'ont tué pas seulement les musulmans, mais ils ont également tué ceux qui sont sous une entente de paix parmi les kuffars, c'est-à-dire ceux qu'on appelle en arabe al-musta'manin, ceux qui sont sous une entente de paix et un traité avec les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, celui qui tue un mu'ahad, c'est-à-dire un non-musulman qui est sous la protection d'une entente avec les pays musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et son odeur se sent d'une distance qui équivaut à 40 ans. Donc ça, c'est la menace de celui qui se permet de tuer même un non-musulman lorsqu'il est il a une entente de paix avec les musulmans. Donc ils le font après avoir rendu licite le sang des musulmans et des dirigeants musulmans, ils se permettent par la suite d'effrayer les musulmans et les non-musulmans qui ont une entente de paix avec les musulmans et de répandre la terreur. Et à cause de ça, ils ont sali l'image de l'islam devant les ennemis de l'islam et devant les musulmans. Et tout cela à cause, du fait qu'ils ont fait le takfir des musulmans et qu'ils ont fait le takfir des dirigeants des musulmans. Ou des ulama, des savants de l'islam, et des gens, du commun également, et du peuple aussi. Donc tout en sachant que, à toutes les époques, les khawarij ne suivent que des choses illusoires. Et ils ne font le takfir que pour des choses illusoires. Ils font le takfir pour des péchés. Ils font le takfir pour des choses qu'ils considèrent parfois être un péché. Il se peut même que les choses pour lesquelles ils ont déclaré les dirigeants koufars ne soient même pas présentes chez la personne dont ils ont fait le takfir. Et que ce soit des mensonges inventés contre lui. Des choses fausses à son sujet. Il se peut qu'ils pensent que cette chose soit un péché alors que ce n'est pas un péché. Il se peut qu'ils considèrent qu'une chose soit kouf et qu'elle n'est pas kouf. Mais ils sont amenés à ça par leur passion et par leur désir. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sont les pires des créatures. Sharrul khalqi wal khaliqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a même appelés les chiens de l'enfer. Kilab ou ahlin nar. Ils sont les pires personnes qu'on puisse tuer sous le ciel. Est-ce qu'il peut y avoir une description plus dure et un blâme plus dur que ces descriptions et ces blâmes? Et donc tout ça c'est pour décrire et pour parler de la réalité des khawarij. Et donc, On s'arrête ici pour cette partie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, sachez que le danger et les conséquences graves du takfir sont nombreuses. Et parmi les conséquences de ce que font ces groupes, on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple au Nigeria maintenant, les exemples du groupe Boko Haram. Les actes qu'ils ont faits en kidnappant des jeunes filles et en massacrant des gens innocents, hein, ça donne aux musulmans dans le monde entier une image sauvage, une image très laide. Et après, les koufars utilisent ces actions et ces gestes qui sont faits par ces groupes extrémistes comme argument pour essayer de repousser les musulmans et l'islam et pour essayer d'utiliser ça comme excuse pour ne pas accepter la vérité qui vient d'Allah. Et donc, les ulama, alhamdoulilah, comme le cheikh, le mufti Abdulaziz al-Sheikh dernièrement, a condamné leurs actions et a dit explicitement et clairement qu'ils faisaient partie des khawarij et que ce qu'ils font n'a rien à voir avec l'islam et les musulmans et encore moins avec la salafia et les salafis. Mais bien entendu, parfois les médias occidentaux aiment créer de la confusion et accuser des innocents et ils aiment parfois dire que ceux qui font ce genre d'action sont des salafistes ou qu'ils sont salafis, alors que les savants salafis dans le monde entier condamnent ce genre de groupe et ce genre de tendance. Donc parmi les conséquences de ces groupes, il y a la rupture de l'entente que les dirigeants ont prise avec leur peuple. Hein? Ça fait partie des exemples. Ils rendent licite le sang du dirigeant, ainsi que celui des fonctionnaires et de ceux qu'ils rendent kafir. Ils rendent licite le fait de disputer le pouvoir au dirigeant et de se révolter contre lui. Ils rendent licite le sang des musulmans de la part de celui qui les déclare koufars et encore plus le sang des koufars qui ont une entente avec les musulmans. Donc ils rendent leur sang licite dans le sens qu'ils permettent de le tuer. Ils disent que c'est licite et qu'il n'y a pas de problème. On peut tuer les musulmans, on peut tuer les koufars, il n'y a pas de problème. Ils rendent licite, yani, de tuer et de combattre les musulmans en oubliant la parole d'Allah qui dit « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer. » Et parmi les conséquences, c'est qu'ils rendent également licite l'honneur des musulmans. Et c'est pourquoi ils se permettent de mentir contre eux, d'inventer des histoires à leur sujet et de leur attribuer des choses qu'ils n'ont jamais faites. Et parmi les conséquences, c'est qu'ils se permettent de détruire les biens des musulmans et les biens des koufars et de détruire et de prendre leurs biens et de prendre leur honneur et d'attaquer leur honneur aussi. On voit comment ils kidnappent des jeunes filles et qu'ils se permettent de les vendre et on ne sait pas encore également qu'est-ce qu'ils se permettent de faire d'autre, peut-être même de les violer ou d'autres choses de ce genre. Wal'iyadu billah. La propagation du chaos dans les sociétés islamiques et la perte de la sécurité et de la confiance entre les gens, de semer la divergence et de planter les graines de la division, de faire croire, de rajouter de la force et de faire croître les aspirations des ennemis de l'islam. Parce que quand ils voient ces choses-là, ils utilisent ça comme un argument contre les musulmans et par la suite ils utilisent ça comme justification pour des attaques militaires et pour des occupations dans les pays musulmans et pour profiter des richesses et des biens des musulmans et de leur potentiel par la suite. Et donc tout ça à cause de ces groupes égarés, de ces extrémistes. Et lorsque les ennemis de l'islam prennent le dessus sur les musulmans, ils leur font goûter des punitions humiliantes et ils les jugent selon les lois contraires à l'islam. Et donc c'est à partir du tort des khawarij et des terroristes de ce genre qu'on porte atteinte à la Ummah tout entière. On porte atteinte aux dirigeants et on porte atteinte au peuple et au commun des musulmans à cause de ce genre d'action. Hein? Et donc, il faut prendre garde à ces gens-là et avertir contre eux et ne pas avoir de sympathie pour eux. Même si ces gens-là prétendent, lorsqu'ils font quelque chose, qu'ils le font au nom de l'islam ou pour défendre l'islam ou l'honneur de l'islam et qu'ils prétendent que ce qu'ils font c'est du djihad, fisabilillah, alors qu'en réalité, ce qu'ils font n'a rien à voir avec le djihad, fisabilillah. Puisque le djihad, alhamdulillah, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est yani, relié à des conditions et des règles qui sont très claires et très explicites, qui ont été mentionnées dans le Coran et dans la Sunna et dans les livres de fiqh des ulama de l'islam à travers les époques. Et regardez dans les livres de fiqh de tous les madarib, que ce soit les livres qui sont Hanafi ou Maliki ou Shafi'i ou Hanbali, et regardez le chapitre du djihad, et vous allez voir les conditions et les règles sont très claires, hein, et que ces ignorants qui pensent que qu'est-ce qu'ils font c'est du bien, en réalité ne font que semer le désordre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين واهل السنه اجمعين واخذل الخوارج والمفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون وقوموا الى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم صدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حادوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Je voudrais juste annoncer aux frères, alhamdoulilah, qu'on a présenté tous les plans à la ville de Montréal. Et donc, on attend la réponse pour avoir le permis pour commencer les travaux, inshallah, pour faire l'agrandissement de la mosquée. Donc, tout est prêt, on attend juste la permission, inshallah. Entre-temps, bon, bien entendu, inshallah, si vous pouvez aider pour préparer les matériaux qu'on a besoin pour la construction de la rénovation, le nouveau tapis, le mur qu'on va faire, et ainsi de suite. Donc, si vous pouvez aider, inshallah, alhamdulillah, c'est toujours quelque chose de bien, parce que c'est pour la construction d'une mosquée. Et il y a des hadiths à ce sujet-là, yani que celui qui bâtit une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde, dans cette vie, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtira, bien entendu, une maison dans le paradis. Donc ça, c'est toujours pour inciter les mu'minines à dépenser de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne dans la cause du bien, dans la cause de l'islam. Puis on espère que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, hein. Et donc alhamdulillah, on attend, ça peut prendre de 2 à 8 semaines pour le permis. Donc aussitôt qu'on reçoit le permis, on commence la démolition, et au fur et à mesure que inchallah on a les matériaux et tout, on a déjà des frères qui savent faire ce travail là alhamdulillah, ils vont le faire gratuitement pour nous, mais c'est juste d'acheter les matériaux, puis la main d'œuvre, inchallah les frères vont aider. Bismillah. Barakallahu fikum.